الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous avons avec nous la présence d'une petite invitée d'honneur. Donc si vous entendez la voix d'une petite fille, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Un frère est en présence de son enfant. Donc vous savez, les enfants, c'est imprévisible. Ça rigole, ça pleure, ça crie, ça joue. Donc tout va bien. Wa marhaba biha. Alors, pour revenir à nos durus précédents, déjà je m'excuse pour le ders de mercredi. Des petits imprévus et des petits aléas de la vie parfois nous empêchent de suivre un programme régulier. Je m'en excuse. Hatta Allah yufarij anna. Donc, dans le dernier ders, on avait pris déjà le choix de Jalis, des bonnes fréquentations. D'accord ? Qu'on avait dit que la bonne fréquentation, c'est comme l'exemple du vendeur de parfum. En restant avec lui, soit il va t'offrir du parfum, soit tu vas en acheter de lui, ou au minimum, tu te sentiras bon. Et l'exemple de la mauvaise fréquentation, c'est à l'exemple du souffleur de verre, qui, en restant à ses côtés, soit va te brûler tes vêtements, ou qu'au minimum, tu en sortiras avec une mauvaise odeur. Donc il y a toujours un mal, malheureusement, à en tirer. On avait pris également le adab, je crois que c'est du salam, là, du majlis, afwan, de ne pas prendre la place de quelqu'un qui nous a devancé. Et que si jamais il y a besoin de faire de l'espace, alors il faut se disperser pour faire de l'espace, afin que tout le monde puisse profiter. Et on avait pris Adab el-Munaja, qui est la discussion, on va dire, intime entre deux personnes en présence d'une troisième. Que cela n'est pas permis, d'accord, car cela est triste, sauf avec sa permission. Taïb. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans el-Hadith al-Tasir wa Samanin, wa huwa al-Tasir min hadha al-Fasl, 89e Hadith de ce livre, qui est le 9e de ce chapitre. Bi'unwan Adab al-Sohba. Donc maintenant, c'est le comportement à avoir dans la bonne compagnie. Entre autres, les bonnes paroles. Bon, allez, comment ça là ? Les bonnes paroles à proférer envers les croyants, et quand on dit envers les croyants, parce qu'à la base, les croyants ne fréquentent que les croyants. Et là, dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La tusahib il mu'mina wa la yakul min ta'amik illa muttaqi » que tu ne dois fréquenter qu'un croyant et que seule une personne pieuse peut manger avec toi. Dans le sens que tu ne fréquentes que des bonnes personnes. Donc là, on va prendre un hadith selon Aïz ibn Amr قال أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في النفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم. Donc ce sahabi qui est Aïd ibn Amr, il a dit que Abu Sofyan, et c'était à l'époque où il n'était pas encore musulman, car Abu Sofyan au début était parmi les plus grands ennemis du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah azawajal guida son cœur vers l'islam. Donc Abu Sofyan est passé auprès de Salman al-Farisi, wa Suhaib et Bilal et d'autres personnes parmi les Sahaba. Et lorsqu'ils ont vu Abu Sofyan, ils ont dit par Allah, les épées d'Allah n'ont pas pris de lui leur droit, c'est-à-dire de Abu Sofyan. On va expliquer ce que cela veut dire. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui était présent, s'est tourné vers eux, c'est-à-dire vers les Sahaba, et il leur a dit, est-ce que vous tenez de tels propos à l'égard du cheikh de Quraysh et de leur chef? Ça veut dire, il dit cela comme une forme de réprimande. Ensuite, il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et elle a informé de ce qu'il a dit aux Sahaba à propos de leurs paroles, ce que lui leur a répondu. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Abu Bakr, tu les as probablement mis en colère, c'est-à-dire les Sahaba, par tes paroles. Et sache que si jamais tu les as mis en colère, alors tu auras mis Allah en colère également. » Donc là, Abu Bakr s'est aussitôt rendu auprès d'eux et leur a dit « Oh mes frères, vous ai-je irrité par mes paroles ?» Et ils ont dit « Non. » Mais qu'Allah te pardonne, ô notre frère. Apporté par Muslim. Naam. Donc dans ce hadith, qui a eu lieu après apparemment c'est à peu près à la période de Badr. Vous savez, il y a eu la première rencontre, on va dire, une première bataille qui a eu lieu entre les croyants et les mouchidekoun à l'époque. Et en fait, lorsque Abu Sofyan est passé aux proximités de ses sahaba, lorsqu'ils ont dit « Wallahi ma khazat suyufullahi min unuk aduwillah » que les épées d'Allah n'ont pas pris leur droit en frappant la nuque de l'ennemi d'Allah azawajal. C'est-à-dire qu'en fait, il veut faire comprendre par là que nous n'avons pas tué Abu Sofyan et qu'il le méritait. D'accord ? Que Abu Sofyan méritait de se faire tuer. Et que cela ne s'est pas déroulé. Et de là, Abu Bakr les a repris en disant « Est-ce que vous tenez de tels propos à l'égard de Abu Sofyan, qui est le chef de Quraysh et leur grand ?» Dans le sens, on ne dit pas ce genre de paroles en sa présence. Puis, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'il a dit de tels, qu'il a reproché aux Sahaba d'avoir eu ces propos-là devant Abu Sofyan et que lui les a réprimandés pour cela. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, en reprochant cela à Abu Bakr à son tour, en le disant, il se peut que tu les aies irrités par tes paroles. Et sache que si jamais tu les as irrités, c'est que tu auras irrité Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel sens Abu Bakr al-Siddiq a vous dit ces paroles-là? Ce n'était pas vraiment pour défendre Abu Sofyan en soi, car Abu Bakr al-Siddiq est le plus grand des Sahaba, donc il est certain qu'il n'avait pas d'amour pour les mouchriquin. Mais il a dit cela dans le but de gagner le cœur d'Abu Sofyan, de faire comprendre que malgré qu'il soit un kafir mouchriq, il reste leur chef et un homme qui de base est une référence pour eux, donc on ne peut s'adresser de n'importe quelle façon en sa présence. Et Abu Bakr al-Siddiq espérait en cela montrer une forme d'équité qui pourrait attirer Abu Sofyan vers l'islam. D'accord ? Mais sans quoi, ne pas croire qu'Abu Bakr al-Siddiq aimait Abu Sofyan à ce moment-là. Non. Mais vous savez, c'est comme si demain vous arriviez devant, je ne sais pas moi, un chef d'État par exemple, ou un homme important des koufars, un ministre ou je ne sais qui, et vous mettiez à parler, à lui adresser la parole, comme on le ferait à une personne de moindre rang. D'accord ? Et bien cela pourra impacter sur son envie de rentrer dans l'islam, cela pourra être pris même comme un argument en disant que les musulmans sont irrespectueux et ont un mauvais comportement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, a toujours eu un comportement approprié en fonction des situations, à tel point que vous savez dans Surat Abasa, Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma, des notables de Quraysh étaient venus auprès de lui, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, avait fait un ijtihad en se détournant de Ibn Kulthum, qui était un aveugle, qui venait vers lui, et malheureusement, il a donné prédominance aux notables de Quraysh, car il se disait, si jamais les notables de Quraysh entendent l'islam et l'embrassent, cela va suivre, tout Quraysh vont suivre. Donc il a vu la maslaha. Et malheureusement, à ce moment-là, il avait fait un ijtihad, et après Allah Azzawajal l'a corrigé, car c'était une erreur, à ce moment-là. D'accord, c'était une erreur. Donc on ne traite pas avec les grands des ennemis comme on va traiter avec des petits. Malgré tout, dans cette situation-là, c'est Abu Bakr al-Siddiq qui n'a pas vu juste. Car le Nabi, sa femme, lui a dit, il se peut que par tes paroles, tu aies irrité tes frères. En disant cela. Et de là, Abu Bakr al-Siddiq, plein d'humilité et de modestie, s'est immédiatement rendu auprès d'eux pour faire ses excuses. Et à savoir que les Sahaba n'avaient pas mal pris ses paroles. Car ils savaient qui il était, ils connaissaient son statut, ils savaient très bien qu'il avait dit cela dans le but de quoi ? D'essayer d'attirer Abu Sofiane vers l'islam. C'est tout. Sans pour autant lui donner un droit qui ne revienne pas. Donc ce qu'il faut retenir dans ce hadith, c'est le fait de ne pas tenir de propos qui soient offensants et vexants ou rabaissants envers d'autres croyants. Car c'est pour cela qu'il a dit que si jamais tu les as irrités, sache que tu as irrité Allah Azzawajal. Donc, blesser un croyant, et bien sûr on parle sans droit, cela revient à encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, Allah Azzawajal, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا بِاللَّتِي أَحْسَنُ et dit à mes serviteurs de parler de la meilleure des manières. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا et vous qui avez cru, craignez Allah et tenez des propos justes. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مَنْ قَالَ فِي مُسْلِمِينَ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْجَبَلِ النَّارِ حَتَّى يَخْرُجَ عَمَّا قَالَ et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui dit sur un croyant ce qui n'est pas en lui, que Allah azawajal le fera habiter dans le puits des gens de l'enfer. Et dans une version, il sera sous la colère d'Allah tant qu'il n'aura pas retiré ses paroles. Donc il n'est pas permis de s'en prendre aux awliyés d'Allah azawajal, de les blesser, de les insulter et d'émettre de mauvaises critiques à leur égard. Illégitime. Aujourd'hui, on voit que c'est monnaie courante, c'est facile de critiquer tout le monde, d'insulter tout le monde, voire même au-delà de cela, d'insulter même les parents et autres des gens. Et cela amène à ce qu'Allah Azawajal se mette en colère. Donc il faut prendre garde aux critiques illégitimes, mauvaises critiques illégitimes, et surtout même si elles sont légitimes, est-ce qu'elles sont vraiment utiles ? Car des fois, il y a des critiques qui sont réel envers certaines personnes, mais est-ce qu'il y a plus de mal ou de bien à les proférer et surtout de quelle façon elles sont faites ? Car des fois il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un en privé, par exemple. D'accord ? Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah fil akhirah. Yani fi dunya fil akhirah. Que celui qui cache un croyant, Allah le cachera en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc des fois, il y a des critiques qui peuvent être émises, mais il faut le faire de la bonne façon, avec sagesse. Et surtout que ces critiques, pour qu'elles soient valables, elles soient faites sincèrement. C'est-à-dire pour diriger la personne, la faire s'améliorer, aller de l'avant, et non pas pour la rabaisser, la mépriser, ou alors se faire passer pour qui on n'est pas. Et ainsi de suite. Car les langues se délient et profèrent beaucoup de mal. Alors qu'il l'a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui lui garantit ce qu'il y a entre ses lèvres et ses jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, c'est-à-dire qu'il ne fornique pas, ou qu'il ne médise pas, ou qu'il ne calomnie pas, ou qu'il ne mente pas, ou n'insulte pas, ou ce qui s'ensuit, que lui promettra le paradis. Ce qui prouve que ces deux organes sont les organes les plus dangereux pour l'homme. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain. Sa langue et son sexe. Sa langue et son sexe. Et quand on dit langue, ça rentre également aujourd'hui les doigts, parce qu'on écrit beaucoup, par exemple sur les réseaux. Quelqu'un il dit j'ai pas parlé, t'as pas parlé mais t'as écrit. D'accord, t'as écrit un telle chose sur tel réseau social, alors qu'on tel ou tel ou un tel. Et ces paroles-là étaient illégitimes ou autres. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قرسي قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنت بحرب. Que celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. D'accord. Et tout croyant droit qui craint Allah est un allié d'Allah Azzawajal. Alla inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les alliés d'Allah, nulle peur sur eux. Ce sont ceux qui croient et qui craignent. Voilà qui est l'allié d'Allah azawajal. Après, chacun diffère en mesure de son niveau de foi. Quoi qu'il en soit, s'en prendre aux mauvaises personnes et qui plus est de la mauvaise façon et commettre des injustices à leur égard, cela encourt, celui-là encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va prendre les fawaïd de ce hadith. قال ورع أبي بكر وحرصه على إبراء ذمته. Ce qui montre que Abu Bakr était plein de wara. Wara, c'est la piété, la retenue pieuse. Ça veut dire il craint des choses qui peuvent être permises, mais qui peuvent nuire dans l'au-delà. Et que Abu Bakr Siddiq a tout fait pour se délier de tout mal envers quiconque qu'il ne mérite pas. Donc vous voyez, Abu Bakr Siddiq, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il se peut que tu aies mis Allah en colère, en mettant tes frères en colère, tout de suite il a réagi. Thaniyan, fadilat Salman wa Suhayb wa Bilal, haythu kana ghadabuhum sababan ghadabillah. Ce qui montre le grand mérite de Salman, de Suhayb et de Bilal, du fait que leur colère, s'ils se mettent en colère, cela est une cause pour que Allah se mette en colère contre celui qui les aura irrités. Et bien sûr, on parle d'une colère légitime. Thalithan, isbat sifatillah. Isbat sifat al-ghadab lillah ta'ala kama yaliqu bih. Cela, ce hadith montre que parmi les sifat d'Allah azawajal, il y a la colère, que Allah azawajal se met en colère et d'une façon qui lui sied Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an tahrim aziyat as-salihin li'anna Allah yaghdib li-ghadabihim ou yaghdab afan-ghadabihim. Qu'il est interdit de s'en prendre aux gens de droiture, et là on parle de s'en prendre à eux de façon injuste évidemment, car cela, si jamais tu mets en colère les mauvaises personnes, quand je dis mauvaises personnes, c'est des personnes qui ne méritent pas. Mais en fait, ce sont de bonnes personnes. Mais comme on dit l'expression, tu t'en es pris à la mauvaise personne, en fait. D'accord ? Et que cette personne-là, tu l'as mis en colère, sache que cela te coûte la colère d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est valable, par exemple, on a l'exemple avec Jureyh, avec sa mère, qui avait mis sa mère en colère. Et pourquoi ? Pour des salawats. Qui avait salat nafila, sa mère l'a appelé, qui n'a pas répondu, il a préféré faire sa salat, et qu'après sa mère s'est mise en colère et a invoqué contre lui. Et son dua a été exaucé. Alors qu'il faisait quoi, Jureyh ? Il faisait salat. Il n'était pas en train de faire du haram. Alors dites-vous, qu'en est-il de, comme on le rappelle souvent, de ceux qui, leurs parents les appellent à un bien, leur donnent un ordre, et que l'enfant désobéit. Et quand je dis enfant, et même quand on est grand, hein, parce que pour les enfants, pour nos parents, on sera toujours des enfants. Quel que soit notre âge, pour ta mère et ton père, même demain, tu as du gris sur ta barbe ou sur tes cheveux ou tu as le dos courbé, ils sont présents, tu es un enfant pour eux. Tu es leur enfant. Donc, ils te donnent un ordre légitime et que tu n'y réponds pas sans excuse valable et qu'ils se mettent en colère, on craint pour toi de rentrer dans ce hadith. Et regardez, Julej, sa mère s'est mise en colère contre lui et son dua s'est exaucé contre lui. Donc, évitez autant que possible de susciter la colère des parents. Et qui plus est, également, de susciter la colère de tout autre croyant de façon illégitime. Thumma qal, annahu yajibu ala l'insan iza i'tada ala ahadin bi qawl aw fi'lin aw sabbin aw shatamin aw bi akhdhi malin an yubadira bil i'tizar wa tahallul fi dunya. Et qu'il est obligatoire pour toute personne qui aura lésé quiconque par une parole, par un acte, par une insulte, par une parole qui offense ou pour, en lui prenant de ses biens injustement, de se hâter à s'excuser auprès de cette personne-là et de lui rendre ses biens autant que possible. Car cela, si jamais tu ne le fais pas dans ce bas monde, tu lui rendras Yom Kiyama de façon plus conséquente. Sadisan, husnu al-dhun bi ahli al-din wal-muru'a wa iltimas al-uzr lahum wa haml kalamihim ala ahsan al-mahamil. Et qu'il faut penser du bien des gens de religion, qui sont connus pour le bien dans la religion et des valeurs humaines. Et leur trouver des excuses lorsque tu vois d'eux une erreur, maladresse ou quoi, ne pas s'empresser de leur tomber dessus et de les critiquer, de les rabaisser. essaie de trouver une excuse autant que possible. Peut-être que ainsi de suite, peut-être que tel ça n'a pas su, tel que tel ça n'a pas su, ainsi de suite. Peut-être la personne, s'il est connue pour le bien, trouve une excuse. D'accord ? Et quand bien même c'est une erreur vraiment qu'elle a faite, après la conseiller pour qu'elle se corrige. Ne pas se précipiter à rabaisser les gens. Regardez ce qui est arrivé à Julej, Masalen, dans le hadith tout à l'heure qu'on a cité. Lorsque cette femme, car Julej, après le doua de sa mère, les gens de son entourage, qui étaient des Bani Israël, le jalousaient énormément pour sa droiture. Et complotaient contre lui, conspiraient contre lui, ils ont dit, comment l'atteindre ? Parce que c'est un homme pieux aux yeux des gens. Et de là, une femme arrivée, une prostituée, très belle, elle a dit, si vous voulez, moi je le séduis. Ils ont dit, ah oui. Donc elle est partie voir Julej. D'ailleurs, le doua de sa mère, c'est que Allah ne fasse pas mourir tant qu'il ne verra pas le visage des prostituées. Elle a juste dit qu'il ne voit pas le visage. Elle n'a pas dit qu'il fornique. Donc là, le doua de sa mère s'est exaucé, car cette femme est venue le voir. Et elle s'est exposée à lui pour le séduire. Julej, qui est un homme pieux, l'a regardé, mais s'est détourné d'elle. Ça ne l'intéressait pas, il craignait Allah Azawajal. Cette femme l'a mal pris, évidemment. Et en repartant, elle a croisé un berger et elle a forniqué avec lui. Et quelques temps sont passés et elle est tombée enceinte de ce berger. D'accord ? Et elle a mis un enfant au monde. Et vous savez qu'à leur époque, il n'y a pas de moyen de contraception, ce qui s'ensuit. Quand une femme est tombée enceinte, c'est qu'elle avait commis un acte. Et cette femme-là n'était pas mariée, de base. Donc ils ont dit, comment t'es enceinte, toi, alors que t'es pas mariée ? Parce que c'était encore à l'époque où il y avait des valeurs. Même si t'es le Bani Israël, tu forniquais pas. Et ils ont dit, avec qui t'as forniqué pour tomber enceinte ? Elle a dit, Julej. Elle a jusqu'au bout, elle s'est acharnée sur lui, pour se venger. Donc dès là, les gens, tout de suite, ils sont partis vers lui, ils ont commencé à le frapper, à l'insulter, à casser son sanctuaire, ce qui s'ensuit. Sans demander qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez ? Contrairement à ce hadith. Et de là, Julej, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne savait pas ce qu'il avait fait. Ils lui ont dit, tu as forniqué avec Fulana. Elle a eu un enfant de toi. Et là, elle a compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait, Julej ? Hadith, voilà, il est magnifique, on le répète souvent, mais on l'oublie trop vite. Julej, est-ce qu'il s'est mis à les insulter, à se révolter, à dire, vous êtes injuste, vous m'avez fait... Non, il a fait Rodo. Il a fait Dorakat. Il a dit, ramenez-moi l'enfant. Ils ont ramené l'enfant. Il a pointé l'enfant du doigt, il a dit, qui est ton père ? Et l'enfant, il a dit, le berger. C'est un bébé. Hein. D'ailleurs, c'est la base de ce hadith, c'est lorsque le Nabi sans femme, il a dit que trois seulement parlaient au berceau. Trois bébés ont parlé au berceau, et parmi eux, il y avait Sahib Julej. Et de là, lorsque les gens ont vu le bébé parler, ils ne pouvaient que croire, c'est un miracle. Et de là, ils ont commencé à se sentir mal, à regretter, à s'excuser auprès de lui, et ainsi de suite. Ils ont dit, ouais, on va reconstruire ton sanctuaire en or. Il a dit, non, remettez-le comme il était, en terre. Donc les gens se sont sentis mal, car ils sont précipités à l'accuser, à le juger, d'accord, à le léser d'une chose dont il était innocent. Alors qu'à la base, ils savaient que c'était un homme pieux. Et ils savaient que cette femme-là, c'était une prostituée. D'accord ? Donc, ne pas s'empresser d'écouter des gens déjà de mal contre les gens de bien, et aussi écouter des gens que tu ne connais même pas contre les gens que tu connais. D'accord ? T'as des gens que tu les connais depuis longtemps, tu as une image d'eux, bon, personne n'est parfait, tu vois. Et d'un seul coup, t'as un parasite qui débarque de nulle part, tu le connais même pas, il te met des chouboîtes et il te fait haïr la personne que tu connais à la base, alors que l'autre, tu le connais même pas. Surtout que tu l'as croisé hier, d'accord ? Tu ne sais même pas qui il est, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable. Autant là, c'est sur les réseaux, tu ne les as jamais vus de ta vie. Ils propagent des choses sur les gens, toi, tu les crois directement. Donc ça, c'est des choses qui sont à éviter, car tu tombes dans l'injustice. Dans le Coran, elle a dit, « Yayu al-lazina amanu, izajakum fasikun binaba'in fatabayyenu. » Oh, vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous vient avec une nouvelle, alors vérifiez bien, afin de ne pas atteindre des gens par ignorance et d'être injuste envers eux. Et dans le fasik, ça rentre l'inconnu, car tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Donc ne pas croire le premier venu dans tout ce qu'il dit envers des gens que de base tu connais. Donc voilà ce hadith qui est que causer la colère des awliyas d'Allah Azzawajal, cela amène à causer la colère d'Allah Azzawajal contre toi. Donc avec tes amis et les gens que tu fréquentes de bien, évite de les irriter. طيب ثم نأخذ الحديث التسعين وهو العاشر من هذا الفصل 90e حديث qui est le 10e de ce chapitre. Adab ad-du'at ila Allah ta'ala, le comportement des prédicateurs, les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Musa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Mu'adhan wa Aba Musa ila al-Yaman. Qala yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Muttafaqun alayhi. Donc selon Abu Musa, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé lui ainsi que Mu'adh au Yémen, à l'époque où le Yémen était encore un pays avec des gens du livre. Alors ce n'est pas le Yémen tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il leur a dit, il a exhorté en partant faire da'wa tous les deux, facilitez aux gens et ne compliquez pas les choses. D'accord ? Attirez les gens et ne les faites pas fuir. Et coopérez entre vous et ne divergez pas. D'accord ? Ne divergez pas. Donc là, quand on parle de Dua ila Allah Azawajal, qui sont envoyés, sont des gens de science. Ce sont les choses que les gens de science font. Ils envoient des émissaires, comme le faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour la da'wah. Mais quand le Dua ila Allah Azawajal se rend en un lieu pour justement accomplir sa da'wah, il y a des règles à suivre. Car les gens, il faut prendre en compte leur situation. Et le but de la da'wah, c'est attirer les gens, pas de les faire fuir. Car là, tu es une mas'ouliya azima qui est que tu es comme un ambassadeur de la vérité. Tu représentes la vérité, en fait. Donc, tu te dois de faire en sorte que cette vérité soit acceptée au mieux. Et toi, de ne pas l'entacher par ton comportement à toi. Car comme tout à l'heure, on disait pour Julaïd, Mathalène, toi, tu es un da'i d'Allah, tu fais une erreur, les gens vont remettre en compte tout ton message. Ils ne vont pas dire, oui, il dit la vérité, mais lui, il a un problème. Ils vont dire, en fait, si lui, il a un problème, c'est ce qu'il apporte comme chose également problématique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils essaient de faire, les gens avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de salir son image pour salir son message. D'accord ? Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Donc, l'islam, c'est la religion d'Allah, azawajal. Et les hommes qui sont délégués pour propager cette religion, depuis l'époque des sahaba jusqu'à notre époque aujourd'hui, à travers les savants, à travers les do'at ou quoi, sont des êtres humains. Et plus on avance dans le temps, et plus on commet des erreurs, parce que plus on devient ignorant, évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a des comportements à adopter, des choses à éviter, voire même qu'un da'i, des choses que des gens du commun feront, il ne le fera pas, lui. D'accord ? Il s'abstiendra de le faire. Car il sait qu'il porte un lourd message. Et qui ne peut pas se comporter comme n'importe qui. Dans beaucoup de choses. À la base, c'est être humain comme tout le monde, tu vois. Comme quand Mali Adar Rasoul, Yakulut Ta'am ou Mjifil Aswak. Les gens disaient quel est ce prophète qui mange de la nourriture comme nous et qui marche dans les marchés. T'es un homme comme tout le monde. D'accord, tu fais ta vie. Mais il y a des choses dont tu dois faire preuve de retenue. Plus tu portes de vérité et plus tu dois faire attention à ne pas faire de vagues derrière toi. Car je te dis, les gens attendent la bonne occasion pour te salir. Et pour salir ton message, en fait. Ce n'est même pas toi qui veulent. C'est le message que tu portes. Comme encore le Ta'ala. Quand nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir. Dans le Coran, Allah dit, en parlant à son prophète, nous savons qu'en réalité, ce qu'ils disent, c'est triste. Mais sache que ce n'est pas toi qui le démentent. Mais c'est au verset d'Allah qui s'en prennent, en fait. C'est-à-dire, t'as des gens, ils vont s'en prendre à un tel. Ou un tel. En réalité, c'est pas un tel qui l'intéresse, c'est le message qu'il porte qui l'intéresse. On va dire le un tel n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Donc quand tu vois par exemple des gens te parler de l'islam, te parler d'islamistes, tu dis non, moi j'ai un côté musulman, c'est l'islamisme mon problème. D'accord ? Ou ce genre de choses, en fait, c'est l'islam leur problème. D'accord ? Parce que quand tu vois bien ce que l'islamiste dont il parle, bah, c'est un musulman, mustaqim, qui a vu que sa religion autant qu'il peut. Et le musulman dont il parle, eux, c'est un, comme il s'appelle le même, musulman non pratiquant, tu vois. Et quand on a un qui accroche à sa religion, ils appellent islamiste. Donc en fait, c'est quoi leur but ? C'est attaquer l'islam, tu vois, concrètement. Et tout ce que les gens font à travers les médias et quoi, dans tachouir al-da'wa, avec les actes de terrorisme, avec les Allahu Akbar, ce qui s'ensuit, c'est quoi leur but ? C'est s'attaquer à l'islam. On te dit, non, nous on s'en prend qu'à ces gens-là. Non, c'est l'islam que tu vas attaquer. Car si demain il n'y a pas de terroriste, tu vas trouver autre chose pour salir l'islam. Donc, nous, il nous revient, en tant que musulmans, de ne pas donner le bâton pour se faire taper dessus. Rajoute pas une couche. D'accord ? Rajoute pas une couche. Et encore plus les gens qui font Darwa qui sont mis en avant. Donc là, il leur a dit Bashira, Afan Yassira, le fait de faciliter, Bin Taysir, le fait de faciliter, faciliter aux gens. C'est-à-dire, dès qu'il y a une chose qui est facile aux gens en religion, laisse-le faire. On ne te dit pas de faire des concessions et de délaisser des wajibat. D'accord ? On te dit juste de faciliter. Dans la limite du halal du haram. Wala tu asira, c'est-à-dire facilite, ne complique pas les choses. Quand les choses elles sont simples, faciles à faire, laisse faire. Et prends les gens à leur niveau. Bashira wala tu nafira. Et tout de suite, dis les paroles qui réjouissent, les paroles qui attirent, ainsi de suite, et ne fais pas fuir les gens. Et quand on dit faire fuir, ce n'est pas le fait de parler de l'enfer ou du châtiment ou des erreurs, non. C'est de dire des choses inappropriées qui compliquent. Par exemple, quand tu vas faire la darwa à quelqu'un, commence par le plus important, qui est le tawhid, évidemment. Demain, tu vas voir un jeune qui veut rentrer en islam. Et on sait, donc, on est quasiment tous passés par là, ce qu'on faisait auparavant comme chose interdite. Et l'islam, on avait déjà sûrement une approche relative. Et on sait qu'il y a des choses qu'on faisait, c'était haram. Et avant de penser au tawhid au cours, on disait « Ouais, mais j'arriverai pas à laisser cela, je ne peux pas rentrer en islam tant que je fais cette chose-là. » Donc toi, quand tu vois quelqu'un comme ça, par exemple, tu vois un petit jeune de ton quartier ou quoi, qui fait encore des choses interdites, écoute de la musique ou quoi, commence pas à lui dire « Arrête d'écouter de la musique. » Appelle au tawhid. D'accord ? Et fais-lui la bonne annonce du paradis. Tout comme tu dois lui faire peur de l'enfer. D'accord ? Et si la chose elle devient, il est sincère et qu'il accepte, de lui-même il va arrêter des choses comme ça. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne parle jamais des choses qui sont haram. Mais il faut en parler au bon moment, de la bonne façon. Mais pas commencer par ça. Pas commencer par ça. Donc tu facilites. D'accord ? À la personne. Tu lui fais commencer. Et comme toute chose, comme cela revient à chaque da'i d'Allah Azzawajal, de commencer par le tawhid. Car celui qui aura compris le tawhid, bi'iznillah ta'ala, va comprendre le reste. Mais rentre en islam, ça comprend le tawhid, tu auras un islam qui sera bancal. Et tu peux finir par dévier en restant musulman, ou pire, par la suite, revenir en arrière. Car le tawhid n'a pas été assimilé. Donc tu seras sur un islam, on va dire, fictif et réel. Et tu risques de prendre en allié les mauvaises personnes et de prendre en ennemi les mauvaises personnes. Malheureusement. Donc le taïsir dans la da'wa, c'est d'appeler les gens à ce qui est le plus important. Et de prendre les gens à leur niveau. D'accord ? Parler aux gens à leur niveau. Des choses qui sont à leur portée. Par exemple, tu vas pas commencer à quelqu'un qui vient de faire la salade, de faire Qiyam al-Layl. D'accord ? Ça, c'est une chose qui demande de la foi. Ça t'empêche pas de lui en parler. C'est pas tu lui fais, tu l'alourdis à cause de ça. Ou des choses surrogatoires. Tu commences par les obligations. Et les plus obligatoires, au fur et à mesure. D'accord ? Ce qui est le plus obligatoire. Ce qui va dire qu'il met sa religion en jeu. Donc le tawhid en premier lieu, et expliquer la sunna. Quelqu'un qui rentre en islam avec sincérité, qui rentre par le biais d'une personne qu'il a appelée au tawhid et la sunna, on espère que du bien pour lui par la suite. D'accord ? On espère pour lui que du bien par la suite. Il entre de bonnes mains. Et il avait dit l'imam Ahmed que celui qui fait ses premiers pas entre les mains d'un savant ou d'une personne de la sunna, on espère que du bien pour lui par la suite. Et le contraire. Quelqu'un qui commence mal, on craint pour lui qu'il ne finisse mal. Il a incha'Allah azza wa jal. Après, il a dit watatawa, ça veut dire coopérer. Il ne faut pas que les prédicateurs qui viennent se chamaille et diverge pour des choses qui ne méritent pas de diverger. Et ça, malheureusement, c'est une chose qu'on subit aujourd'hui, que tu verras que la plupart des prédicateurs à Fiyah Salafia sont en guerre, soit en guerre apparente, soit en guerre interne. Il n'y a pas d'union. Quasiment pas. Et souvent, quand tu as une union, c'est une union qui est basée sur un intérêt. Vous voyez, on va dire qu'il n'y a pas d'alliance réelle pour Allah Azzawajal et de désaveu réel pour Allah Azzawajal. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de cupidité. Et ainsi de suite. et peu de wara. Car les gens, par exemple, quand tu les conseilles, ils te prennent en ennemi directement. Ils n'acceptent pas le conseil, pour beaucoup d'entre eux. D'accord ? Et ils te prennent de haut, beaucoup d'entre eux. Et il a bien dit, tata wa. Donc les prédicateurs, comme il a dit Allah Azzawajal, wa ta'awanu ala albir wa taqwa wa ta'awanu ala ismi al-adwan. De s'entraider dans le bien et la piété, l'obéissance et la piété, et de ne pas s'entraider dans le péché et la désobéissance. Malheureusement, aujourd'hui, avec le ta'assoub qui est rentré, le fanatisme pour les individus ou pour les intérêts, beaucoup de prédicateurs, et je parle bien là des gens à Fila Salafia, se divisent entre eux. Beaucoup, tu les vois alliés en apparent, et en coulisses, il y a beaucoup de trahison entre eux. C'est une réalité. D'accord ? Car il y a un manque de concrétisation du tawhid en premier lieu, de sincérité, et de vraiment vouloir le bien pour les autres. Souvent, là, cette da'wah est devenue un instrument pour beaucoup de gens pour pouvoir obtenir des profits, des avantages. Donc quand tu viens, tu mets cela en question, on va dire leur fonds de commerce, mais ils te prennent un ennemi directement. Malheureusement. Voilà tartalifa, et ne divergez pas. Et dans le Coran, Allah a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Et accrochez-vous tous à la religion d'Allah Azzawajal, ne vous divisez pas. À la base, c'est un ordre pour tout croyant. Les muslims doivent être unis. Et encore plus les prédicateurs. Et qui plus est les mashayikhs et les ulama. Ils doivent être unis. Mais unis sur quoi? Pas une union comme ça sur la vérité. Et celui qui n'est pas sur la vérité, c'est lui qui divise. Ne pas croire que comme toi tu es dans ton coin tout seul, tu as divisé. Celui qui divise, celui qui ne prend pas la vérité. Même si ils sont 20, 30, 50, 70, ou vous êtes 2, 3, 5, celui qui ne prend pas la vérité, c'est lui qui aura divisé. D'accord? C'est lui qui aura semé la division. طيب يقول في فوائد الحديث أن دين الإسلام دين اليسر ورفع الحرج. Que la religion de l'islam, c'est une religion de facilité et qui enlève les embarras, les contraintes, les choses gênantes. Mais bien sûr, cela est valable pour les gens qui sont sincères. Il n'y a pas longtemps, il y avait un frère, je vous en rappelle, frère Abdullah Al-Hadi, sur le Jumu'ah. D'accord ? Sur le Jumu'ah, l'obligation du Jumu'ah, pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, les gens concernés, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire pour les hommes, qui ne sont pas en voyage, qui ne sont pas malades, et qui sont pubères. Et qui n'est pas permis de délaisser le Jumu'ah, sauf pour une excuse valable, comme la maladie, le voyage, ce qui s'ensuit. Et de là, parmi les gens qui écoutaient tout le temps, on me dit, quand on travaille, comment on fait ? On dit, quand on travaille, comment on fait ? Ça, c'est une question, normalement, un musulman ne peut pas la poser comme question. D'accord ? Car à la base, on le dit tout le temps, à chaque fois, ce travail que tu as, c'est une cause, et non pas un objectif. C'est une cause pour avoir une subsistance. Halal. Et cette subsistance halal que tu as doit être régie par les lois de l'islam. Donc comment tu te dis musulman ? Obéir à Allah Azzawajal et t'interroger comment je fais pour le travail. Si ton travail t'empêche de faire ce qui est obligatoire, tu changes de travail. La question, c'est pas comment je fais pas avec le travail. C'est. En fait, c'est comme si l'on disait, ouais, mais comment je fais avec l'islam en fait ? Tu vois, il te dit le travail, il veut dire, en fait, je fais comment avec l'islam en fait ? Je suis t'es musulman, mon frère, l'islam. Que tu sois chômeur ou travailleur ou directeur ou employé, t'es musulman. T'es musulman dans tous les cas. En voyage, en résident, en maladie. Tous les hells, voilà, t'as moutouna ilewantu muslimun, ne mourrez qu'en pleine soumission. T'es musulman. Donc t'as pas interrogé sur ta religion. Les choses qui te font rentrer dans ta religion, tu les jettes. D'accord ? Donc là, quand on va dire à quelqu'un que son travail est un obstacle au Jumu'ah, est-ce qu'on lui a compliqué la vie ? Non, on dit c'est toi qui t'es compliqué la vie en prenant un travail qui t'empêche de faire le Jumu'ah. C'est toi qui t'es mis dans les problèmes. Demain, par exemple, t'as un programme à faire. Tu dois aller, c'est l'exemple que j'avais donné à un frère. Par exemple, tu prends les transports. Tu dois te rendre à un rendez-vous. D'accord ? À tel endroit. Tu vas regarder les horaires. Pour arriver à l'heure. Tu vas regarder le. Tel bus arrive à quelle heure, tel métro arrive à quelle heure, est-ce que c'est bouché, est-ce que c'est comme même en voiture. Tu regardes, tu mets Waze, tu regardes combien de temps il faut pour arriver à tel endroit. Donc tu anticipes pour arriver à l'heure à ton rendez-vous. Ça, c'est pour tes choses de la dounia. Dis pourquoi pour ta religion, tu fais pas. Même Aoula, ta religion, si tu sais que tu as telle chose qui va arriver dans ta vie, il y a le ramadan qui arrive, donc t'anticipes. T'as les salawat chaque jour que tu vas faire, donc t'anticipes. T'as le jumu'ah, t'anticipes. C'est pas une fois que ça est devant toi, comment je fais? D'accord? T'arrives à le faire pour la dounia, tu fais pas pour l'islam. C'est qu'il y a un problème. À la base, c'est ta religion qui dirige ta vie entièrement. Donc si jamais tu mets ça comme fer de lance devant toi comme priorité, ce genre de questions, tu ne la poses pas. Mon travail m'empêche de faire jumu'ah. Donc à ce moment-là, tu sais que ce travail-là, il t'est interdit. En tout cas, à ce moment-là. Tu vois. Et la personne dit, comment je fais? Tu sais ce que tu as à faire, mon frère. On va pas te prendre par la main. Mais après, quel que soit le choix que tu fasses, assume. C'est pas l'islam qui t'a mis dans la gêne. C'est toi qui t'es mis dans la gêne. Car depuis le début de tes travaux, tu savais qu'il n'y avait pas le jumu'ah. Moi, bon, à part quelqu'un qui était dans l'égarement, après s'est repenti, et il avait le même travail, par exemple. Ou autre. Mais sinon, de base, on dit, toi, quoi que tu fasses, c'est sûr pareil. Oui, mais il travaille, mais comment je fais avec le hijab? Tu peux pas mettre ton hijab à ce travail-là? Oublie ce travail-là. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est la dounia au service du din, et non pas le din au service de la dounia. Tant qu'on n'aura pas compris ça, notre tawhid, notre islam, il aura un problème. À la base, c'est dire quoi, musulman? Soumis! Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Taïmtoum, vous n'avez pas le choix. Et c'est aussi évident que ça. Mais pourtant, les gens, quand tu leur dis ça, ouais, t'es dur. Je fais, bah non, t'as pas compris alors. Si ça, c'est dur, alors ce hadith-là, tu vas pas le comprendre. Quand on va dire, facilitez et ne compliquez pas, dès que tu vas dire un truc au hadith, ouais, non, mais tu rends les choses trop dures, toi. Bon, bah, je sais pas ce que les gens, ils attendent. Mais en tout cas, avec ce genre de compréhension, tu vas aller nulle part. C'est une réalité. Tu vas tourner en rond, voire même retourner en arrière, malheureusement. Donc là, la religion de l'islam, c'est une religion de facilité. Mais une facilité que Allah a décrété comme étant facile, non pas celle qui nous arrange, nous. Hadahu. Thaniyan, al-amru bi tabshir bi fadlillahi wa azim thawabihi wa jazil ata'ihi wa sa'at rahmatihi. Donc c'est quoi faire la bonne annonce aux gens? C'est leur montrer la grâce d'Allah Azzawajal, leur montrer la grande récompense qu'il accorde également, et de montrer la largesse de sa rahma. D'accord. ثالثا النهي عن التنفير بذكر التخويف وانواع الوعيد الوعيد محض من غير ضمها الى التبشير. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire fuir les gens en les effrayant, en les menaçant, sans donner l'équivalent de la récompense, en fait. C'est-à-dire que tu parles que de la chose mauvaise sans donner le bon côté des choses. Par exemple, tu parles des gens, l'enfer, tu n'as pas du paradis. D'accord? Par exemple, tu parles des péchés, tu n'as pas des hasanet. Tu n'as pas de tauba. Tu vois? En fait, tu mets les gens dans le désespoir. Tu les effraies. Donc, il faut l'un et l'autre. Pareil, si tu donnes que les bons côtés, tu vas les ramollir. Il va voir que le bien, mais il ne va pas voir les côtés. Donc, c'est le juste milieu de la religion. Mais après, chacun, en fonction des situations et de la personne que tu as devant toi. Tu as des gens, ils ont besoin de plus de peur. Et d'autres, plus d'espoir. Ça dépend qui tu as devant toi. Et après, c'est pas de donner à tout le monde de pouvoir déceler, on va dire, le tempérament des gens qu'il y a devant nous. Rabi un ta'lif min kurb islami man كرب إسلامه وترك التشديد عليه وكذلك من قارب البلوغ من السبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف بهم. Qu'il faut gagner les cœurs des gens qui sont aux proximités de l'islam, qui vont bientôt se convertir, qui les proches de l'islam sur la terre, ça l'intéresse, ne le fait pas fuir. Gagne son cœur. Évitez d'être trop dur en vie. D'accord? Évite de le faire fuir. Pareil, les enfants qui sont proches de la puberté. D'accord? Ils vont rentrer dans une phase où maintenant ils sont considérés comme étant auprès d'Allah Azzawajal. Le mot adolescent en soi, on va dire, c'est pour le situer dans l'âge, mais chez Al-Han, il n'y a pas d'adolescent. Auprès d'Allah Azzawajal, il n'y a pas d'adolescence. T'es un homme, t'es une femme. T'es pubère, là, c'est un homme, t'es une femme. Maintenant, on va dire, oui, t'as pas le tempérament d'un homme mûr, mature, mais chez Al-Han, t'es un homme. Ce que tu fais en péché, c'est compté. Ce que tu fais en bonne action, c'est compté. D'accord? Après, il y a l'excuse de l'ignorance qui peut venir. Mais quelqu'un qui arrive, c'est un adolescent comme on l'appelle, mais il fait des choses interdites, et bien sur lui, ça peut être les règles de l'islam. On ne dit pas, t'as pas 18 ans, c'est pas valable. Il n'y a pas 18 ans en islam. Déjà, à la base, puberté, au maximum, c'est 15 ans. À partir de 15 ans, tu n'as pas eu les signes, Shalahan, tu es considéré comme étant pubère. Donc, également, une personne qui est dans les péchés et qui se repent, il faut être doux avec elle. Ne pas la faire fuir. Autant que possible. Tu ne le confortes pas dans son mal, mais tu l'attires autant que possible avec douceur. Khamisan, الحظ على اتفاق وترك الاختلاف لما في ذلك من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق وتناصر على إنفاذه وإزمائه وإمضائه عفوا. Également, il faut faire en sorte de se s'allier autant que possible, de concilier autant que possible, d'accord? Chose qui suscite l'amour entre les croyants et l'église des prédicateurs en soi, et l'entraide sur la vérité. Et également porter secours à la vérité et la faire perdurer et éclater et se répandre au sein des gens. Non. Attendez, je voulais prendre trop de hadith, mais vu l'heure qu'il est, on va s'arrêter là, bismillah ta'ala. Et je pense que dimanche, Inch'Allah, sera une kalima, sur, je l'avais annoncé, par rapport aux sifat des gens du Nifaq. Je pense que je la ferai dimanche prochain, Inch'Allah ta'ala. Attendez. نكتفي بهذا القدر فسأقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته